Chapitre 10e. Tuons Paulin Broquet. Paulin Broquet avait prévu juste. Zygomar et Thomtuik ne pouvaient pas ne pas lire dans les journaux l'affaire des millions de la Turquie. Cet emprunt donna lieu à de nombreuses polémiques. Les journaux approuvèrent ou blâmèrent surtout la France de se laisser encore taper par une nation étrangère et de lui donner de l'argent pour qu'elle puisse aller chez des concurrents faire ses achats. L'opinion n'était pas favorable à cette gracieuseté. « Si la Turquie, disait-elle, a besoin d'armes, de bateaux, qu'elle vienne les acheter en France, nous lui en fournirons. Et comme nos ateliers ne vivent pas au jour le jour, la France accordera au gouvernement turc tout le crédit possible, tout le temps qu'il voudra pour se libérer de la dette. Mais c'est être stupide que de lui donner de l'argent pour qu'il le porte en face. » Une fois de plus, la France fut stupide et donna son argent. C'était en la circonstance la seule chose qui intéressait Zygomar. Il suivait avec anxiété dans les journaux la marche de cette affaire, en notait soigneusement tous les détails, non seulement du don de cet argent, non seulement de la réussite de ce tapage, mais surtout de l'expédition de la somme, de la forte somme, qui devait être en or et se faire dans le plus bref délai. Complaisamment, les reporters donnèrent au public, par là même à Zygomar, tous les renseignements sur cet envoi. On sut comment cet or était emballé, dans quelle caisse, leur forme, leur poids, la façon dont on les expédierait, dans quel train, comment elles seraient gardées. Zygomar ne pouvait que remercier ces aimables reporters. « Vraiment, disait-il à son ami Thomtuig, il est bien dommage que ces beaux millions aillent chez le Grand-Turc, ou soit pour le roi de Prusse. « Oui, il ferait très bien chez nous. Prenons-les. » Les deux bandits alors combinèrent un plan qui devait les rendre maîtres de ces caisses d'or. Après l'avoir bien débattu, bien arrêté et réglé avec minutie les moindres détails, Zygomar conclut. « Ce plan ne peut réussir que si Paulin Broquet disparaît. »« Bon, faisons disparaître Paulin Broquet, » décida Thomtuig. « C'est lui qui est chargé d'accompagner les caisses d'or. S'il s'en mêle, il nous faudra un mal infini pour nous en emparer. » Cherchons le moyen d'empêcher Paulin Broquet de nous gêner. Voyons comment nous pourrons le supprimer, car cet homme devient très encombrant. Tant qu'il se jettera ainsi dans nos affaires, nous n'en pourrons réussir une seule convenablement. À toute force, cet homme doit disparaître, nous laisser le chemin libre. Zygomar réfléchit quelques secondes, puis il dit à Thomtuig, « Il y a longtemps que je ruine un moyen admirable, à mon avis infaillible, que je pense à un piège dans lequel cet homme devra tomber fatalement. Ah, un piège qui aura pour amorce un peu d'amour. » L'Américain se mit à rire. « Je comprends, je vois ça. Oui, ce moyen m'a l'air pratique, facile, confortable, employons-le, ça va. » Les deux bandits quittèrent l'appartement dans lequel ils se trouvaient et allèrent préparer le fameux piège infaillible dans lequel Paulin Broquet devait forcément tomber. Cependant, Zygomar aurait dû se souvenir que les pièges qu'il tendait à Paulin Broquet ne réussissaient guère. Le dernier, cette terrible mâchoire aux dents de baïonnette qui devait happer le détective, lui avait donné une dure désillusion. Mais cette fois, Zygomar comptait réussir, car ainsi qu'il l'avait dit, son piège se trouverait amorcé par un peu d'amour. Paulin Broquet, de son côté, était loin de prévoir ce que ses amis tramaient contre lui, ce qu'il préparait pour l'écarter de leur chemin, pour le supprimer. En ce moment, il prenait ses dernières dispositions pour l'enlèvement de Darling et pour l'escorte de la caisse pleine de pièces d'or. Dans son cabinet de travail, il écrivait quelques lettres, dont une au chef de la police de Varsovie, au sujet de Johanna et d'Amédéa, à qui il devait remettre les millions restitués par le malheureux général Sobarov. Gabriel le secondait, assis en face de lui, il écrivait sous la dictée du chef. Tout à coup, le timbre de la porte d'entrée résonna. Peu après, Jules, le valet de chambre de Paulin Broquet, vint lui annoncer que le nègre Colosse, le domestique de Miss Hidden, avait une communication à lui faire. « Faites entrer !» dit le détective. Et se tournant vers Gabriel, il dit quelque peu étonné, inquiet. « À cette heure, Miss Hidden m'envoie son nègre. Pourquoi? Dans quel but? Que peut-elle me vouloir? Qu'y a-t-il encore ?»« J'ai peur que dans son impatience de revoir sa fille, elle ne se soit hâtée. » Elle voulut me devancer, et qu'elle ait non seulement échoué dans sa tentative, mais absolument compromis nos plans pour demain. Le nègre Big entra. Il roulait des yeux qui brillaient singulièrement dans le noir luisant de sa figure, et machinalement, il ouvrait sa large bouche comme pour parler, alors que sa langue coupée ne lui permettait pas de dire un mot intelligible. Le colosse noir semblait ému. Il tremblait. Des frissons qu'il ne pouvait dissimuler agitaient son énorme corps, et de grosses gouttes de sueur perlaient à son front. « Eh bien, mon garçon, » lui dit en anglais Paulin Broquet, « que venez-vous m'annoncer ?» Il ne voulait pas que le noir comprît qu'on s'était aperçu de son trouble, et il lui parlait sur un ton de confiante familiarité. Le noir lui tendit une lettre. Paulin Broquet regarda l'écriture, et il tressaillit. « De Miss Hidden, » se dit-il. À son tour, il frissonna car la pensée terrible traversa son cerveau que Miss Hidden courait un danger, qu'elle l'appelait à son secours, et que c'était pour cela, parce que sa maîtresse, à qui il était tout dévoué, était en péril, que le noir tremblait ainsi. Il ouvrit la lettre et la lut. « Cher ami, » disait-elle, « ce soir, venez à la villa. Je vous y retrouverai après le spectacle. Mon noir vous conduira. Il faut prendre des précautions. J'ai du nouveau grave à vous apprendre. J'ai absolument besoin de vous, cordialement, Ida. » Paulin Broquet relut encore cette lettre, puis il dit au noir, « Bon, c'est entendu, j'irai. » Le noir sortira. Quand il fut sorti, Paulin Broquet regarda encore la lettre, il l'examina plus attentivement. Il la sentit. « Elle dégage, » fit-il à Gabriel, « le parfum de la femme rousse, celui de la casquette de chez Ulma, celui du mouchoir de la porte du Rastaquer. C'est l'écriture de Miss Hidden, c'est son papier. C'est tout enfin ce que serait une lettre de Miss Hidden. Et cependant ce n'est pas une lettre de Miss Hidden. » Gabriel regarda étonné son chef. « Comment cela, chef ? » demanda-t-il. Paulin Broquet s'expliqua. « Regarde, » fit-il en montrant la lettre. « C'est l'écriture de Miss Hidden. Oh, absolument, à s'y méprendre. Mais c'est une écriture calme, appliquée, une écriture étudiée, qui n'a rien d'imprévu, d'impulsif. C'est l'écriture de Miss Hidden, ou plutôt, commet l'écriture de Miss Hidden. Mais Miss Hidden, tout en conservant son écriture, aurait écrit tout autrement ce billet. » Comme Gabriel roulait des yeux étonnés, le détective reprit. Miss Hidden aurait griffonné vivement, nerveusement, d'un trait ce billet par lequel elle me réclame. Elle n'aurait eu ni le loisir, ni la patience, ni la main de m'écrire ces quelques mots aussi correctement, aussi vraiment, de son écriture. C'est juste, chef. Puis, sans ce papier, il est trop parfumé, tout récemment imprégné de ce parfum. Cela sent. Le papier de Miss Hidden, un parfum, mais doux, à peine sensible, qui vient frôler, quand on tourne la page, comme si les mots qu'on lit étaient murmurés à l'oreille, accompagnés d'un peu de souffle. Puis, mon garçon, depuis l'aventure de Fungetti, depuis que l'autre femme rousse a un parfum violent, qui est comme la caricature de l'arôme de Miss Hidden, la plus belle des femmes de l'univers a rejeté ce parfum. Ce n'est plus celui-ci. D'où vous concluez que ce billet n'est pas de Miss Hidden ? J'en suis certain. Rien que le trouble de Big, quand il m'a remis ce billet, suffisait pour me mettre en garde, pour me donner à penser que c'était un faux, pour m'indiquer que le noir, ce fidèle serviteur, trahissait sa maîtresse. Alors, chef, vous vous garderez bien de tomber dans le piège qui vous est tendu. Vous n'irez pas à ce rendez-vous. Au contraire, j'irai.